Bonjour, c'est. Tu vas commencer ta première aventure, Kirby. Tu vas commencer par prendre ton premier bonus ou t'entraîner au tir sur cible.